Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Le mix de Ludo, vendredi, samedi soir, 21h-23h, Sorgia FM. Bonne soirée à vous. Direction les années 80 pour débuter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Le week-end est au rendez-vous. Et qui dit week-end dit le mix de Ludo.

you better look your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late. For this rubber ducking, rocking jam is fun, fun, lovely. Yeah. Reggae night, we come together when the feeling's right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. You will find it happens only once a year, so take advantage of this festive cheer. Make we bring with family, and let's tell some friends, and everyone will have a jam-jam session. Ooh, yeah, come in here. Yeah.

C'est bon ça, hein? The Red, One Night in Bangkok, 1984. Bon, j'espère que tout va bien, que vous êtes bien installés, ou alors que vous avez poussé les chaises, monté sur la table, on sait jamais, hein? Tout est possible. Science gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river. C'est le mix de Ludo qui vous emmène. 23h, comme tous les week-ends, 21h-23h, le mix de Ludo. See you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's gonna whisper. The bars are temples, but the pools ain't free. Mix le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. You are the every moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. Eyes and all I dream is you. See my dream around. Do-do-do-do-do-do-do. See my dream around. See my dream around. Do-do-do-do-do-do-do. See my dream. Direction l'Italie avec Spagna, Easy Lady. Nous sommes en 86. C'est pas son premier single. Si vous voulez, je vous le passe juste après. Lady, lady, lady, easy lady. Lady, playing passion through the night. 'Cause I'm a lady, lady. Oh non, je me suis trompé. Easy Lady, c'était son premier single. Voici le deuxième. 1987. Voici Spagna. Call me. Quand tu veux, je l'appelle. Bon, maintenant, ça va être un petit peu tard maintenant. Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Something ain't right, my back. de Ludo. C'est mieux si j'ouvre mon micro. Des souvenirs, encore des souvenirs. Wake me up before you go go. À l'instant, c'était Wham. Allez, continuons les souvenirs. Un peu plus rock cette fois-ci. Mais sur l'année 1980 avec Yes. Honor of the Lonely Heart. On va y arriver. Honor of the Lonely Heart. Voilà. C'est mieux ? Bonne soirée, c'est le mix de Ludo qui vous emmène. Que diriez-vous si nous commençons les remixes des années 80? Et ça, j'en ai un paquet. DC Top, à l'instant, c'était la version originale. À suivre, Ram Jam, Black Betty. Ça, ce sera la version, une version remix. We'll be right back. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. C'est ça, volume 6, le mix de Ludo. Des souvenirs. Le mix de Ludo. Le vendredi, le samedi, 21h, 23h. Tout ça sur Sorgi FM et nulle part ailleurs. Le mix de Ludo, c'est chez vous aussi. Dans votre radio, en podcast aussi. Soit je vous les envoie, soit vous les téléchargez sur le site de la radio, sur JFM. Sur Google, vous le trouvez facilement. Vous vous laissez guider, vous choisissez podcast, l'émission du week-end, Ludo, le mix de Ludo, et puis voilà. Allez, continuons les souvenirs jusqu'à 23h. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Direction les années 90. Thank you. Tiens, j'ai vu qu'ils avaient un compte TikTok. À quoi ? Ils nous reviennent. Ah, ça c'est vieux, hein. Lollipop. Candyman. Candyman, pardon. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. On a encore un peu plus d'une demi-heure à passer ensemble. Un peu moins d'une demi-heure, pardon. Faisons les choses bien. Souvenir. Bon, elle, à part quelques rides, elle a pas changé. Lui, il change pas non plus. Et voilà. We'll be right back. Le mix de Ludo. I'm not afraid to die. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Bonsoir à l'écoute de Sorge FM, on se retrouve demain, 21h-23h, pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. D'ici là, bonne soirée à vous, éclatez-vous. Et comme dirait De Javan, sortez couverts.